métropole. Viens. Qu'on se ressasse quand on était mort. Loin. Des délires de fou à l'époque. Loin. Mais la richesse c'est d'être pauvre. Viens. Loin de la métropole. Viens. Qu'on se ressasse quand on était mort. Loin. Des délires de fou à l'époque. Loin. La richesse c'est d'être pauvre. Sache qu'en taper déjà des barres. Depuis le départ, on n'a pas fait que rapper. Une adolescence que l'on répare. Toute la merde, la variété, nous on connaît pas. Trop ancré à cette époque, on freestyle et même dans le parc. Là-bas ça fait du bif pour investir dans la flamme. Là il pleut des larmes, mais sache que rien n'éteint les flammes. Ouais, mais quoi que tu fasses, vis ta vie à fond. En vrai les années passent, on s'en rend même pas compte. Ouais, on était bien dans le délire. Je te ramène à l'époque du break. Cherche avec les potes une brèche. Dans le béton comme un portugais. Les années 90s, la coupe on est des 99. Les potes en baggy, tous pauvres, y'a que la mic qui fight. Ça dans les bagos, ou dans les bars open mic. À 7, toi mon peul, ouais. En permanence, comme ça on débarque. S'il y a du son, on est grave chaud, y'a que ça qui nous parle. Qui t'a passé pour des guignols, au fond on calcule les pas. Je me sens loin quand je m'évade, m'évade avec la musique. Besoin d'eux, s'éloigner d'eux. On constate l'oreine abusive. Viens, on s'évade sur cette mélodie de piano. Comme si on surfait sur la vague. Gars, oublie ta parano, il est loin le temps. On faisait que se marrer, on assume nos torts. Encore aujourd'hui en sous-marin. On nous a pas donné notre chance, désolé, on a niqué des gens. Frérot, tu vois le genre. Le but n'est pas de briller comme tes gens. Viens. Loin de la métropole. Viens. Qu'on se ressasse quand on était mort. Loin. Des délires de fou à l'époque. Loin. Mais la richesse c'est d'être pauvre. Viens. Loin de la métropole. Viens. Qu'on se ressasse quand on était mort. Loin. Des délires de fou à l'époque. Loin. Mais la richesse c'est d'être pauvre. Viens. Viens.